un bâton pour les danseuses du vent, même pour les toreros, pour l'ivrogne qui rentre, pour la mort et sa faute, pour les danseuses du vent, même pour les toreros, pour l'ivrogne qui rentre. Entendre la voix qui monte et se colle au plafond et va mourir. Mourir. Pour entendre la voix qui monte et se colle au plafond et va mourir. Sans violence et sans fardeau, pour la cadence, pour le ciel immense, pour la terre et l'eau, comme la romance d'un bateau, pour l'aveugle sans chien, le musicien sans dos. Peintre sans pinceau, pour l'aveugle sans chien, le musicien sans dos.